Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et pour débuter l'émission, nous allons faire une plongée en Irak au cœur des combats menés par le groupe armé État islamique, mais aussi au cœur de la civilisation assyrienne. Alors, on en parle avec Marie-Claude Dionne. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Il y a quelques semaines, on a entendu à la radio et à la télé des reportages sur la destruction d'artefacts par le groupe djihadiste ISIS ou l'État islamique en Irak et au Levant. Et on a vu circuler une vidéo sur divers médias où on voyait un groupe de gens détruire des vestiges archéologiques et aussi des objets d'art qui étaient au musée de la ville de Mossoul en Irak. Et l'événement se serait passé l'été passé, donc ça fait quand même quelques temps. Plusieurs statues ont été détruites à l'intérieur du musée, mais la destruction malheureusement ne s'est pas arrêtée qu'au musée. Le site de l'époque classique Hatra et les anciennes capitales assyriennes de Ninive, Nimrud et Khorsabad ont eux aussi été des victimes de saccage. Quelles sont les raisons qui ont motivé de tels actes? Est-ce qu'il y a eu une revendication quelconque? Oui, mais certains représentants du groupe islamique ont déclaré que les statues et les reliefs représentaient une forme d'idolâtrie qui est interdite par l'islam. Mais en fait, les raisons de détruire le patrimoine mondial, ça devient plus complexe que ça. Parfois, par exemple, dans le cas de la révolution culturelle de Mao Zedong dans la Chine, la motivation n'est pas religieuse, mais plutôt, c'est le contraire. Rappelons-le, dans les années 60, de nombreux temples ont été détruits par l'armée rouge de Mao. Et le phénomène ISIS peut pas être compris sans tenir compte, bien entendu, du fait que les partisans du groupe sont entraînés par une forte idéologie religieuse. Mais il semble que le groupe commet ces actes destructeurs pour des raisons plutôt politiques. En s'attaquant en fait à ces anciens sites provenant d'une grande civilisation, ils vont se détacher de la propagande ultérieure des anciens dirigeants qui avaient construit l'identité nationale avec une idée de cette grande période assyrienne. Le groupe va aussi chercher un peu la controverse et la consternation de l'Occident qui considère depuis des lustres les différentes civilisations de la Mésopotamie et pour de bonnes raisons comme faisant partie de leur propre base, de leur propre culture. Et qu'est-ce qui a été détruit, Marie-Claude? Un peu trop de choses, à mon sens. Là, c'est un peu désolant et triste. On va retrouver dans ce lot des stèles qui provenaient de différents temples et de palais, à Ninive, entre autres, et à Hatra. On va avoir plusieurs statues qui représentaient des nobles, des prêtres, des rois et des déesses. On a une belle statue de lion qui était présent au temple d'Ishtar pour le défendre, qu'on retrouvait à Nimrud. Il y a diverses portes aussi, des portes qui étaient avec travaillées dans le bois ou dans le métal, voire aussi en pierre, qui étaient très belles. Et une des plus grandes pertes est la représentation de Lamassu. Le Lamassu, c'est une créature légendaire qu'on retrouve souvent sur les temples et à l'entrée des cités aussi. Les deux Lamassu qui étaient au musée de Mossoul provenaient de l'entrée du palais du roi d'Assurbanipal II, qui était à Nimrud, qui était en fait roi pendant la première moitié du 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça faisait vraiment très longtemps. Avec toute cette perte-là d'artefacts et d'objets, on peut toutefois, si je peux me permettre de le dire, on peut un respirer. Parce que quelques jours, on a appris que la plupart de ces objets-là étaient en fait des répliques. Ah bon, OK. Donc, c'est peut-être un petit peu... ça fait moins mal, oui, on va dire. Ça fait... Autour de 1500 objets précieux avaient été préalablement déplacés après que le musée ait été pillé en 2003 lors de la guerre en Irak. Et ils avaient été remplacés par des reproductions. Malheureusement, quelques grands et gros objets, dont les Lamassu, jugés trop difficiles à déplacer, bien entendu, étaient bel et bien la vraie affaire. Et le cas présent, on va considérer que le musée a vécu la pire destruction jamais connue. Là, on a observé des ravages presque absolus, autant à l'intérieur que les objets, que la structure aussi du musée. En plus, le contenu n'a pas été que détruit, mais il a été aussi pillé. Tout ce qui était assez petit pour être facilement retiré et transporté va sûrement se retrouver bientôt sur le marché des antiquités là, à la vente. Est-ce que la destruction s'est limitée au musée ou est-ce que des sites extérieurs ont été aussi détruits? Il y a la citadelle de Nimrud là, qui, selon le groupe de l'État islamique, aurait été passée au bulldozer. Malheureusement, on le sait pas toujours, là, on n'a pas de confirmation. Les différents personnages en Irak dans le tourisme ou dans le gouvernement n'ont pas non plus dit que c'était de ce qui s'était passé. Mais si c'est le cas, ça va être particulièrement tragique parce que c'était un des seuls sites qui restait visible dans toute son ampleur où les visiteurs pouvaient se rendre compte de à quoi pouvait se ressembler un palais et aussi juste admirer l'ancienne civilisation. Et c'est pareil, malheureusement, pour le site d'Atra qui était vieille de plus de 2000 ans. Aussi. Mm-hmm. Et pourquoi ces sites sont-ils si importants? Quelle est leur valeur? Enfin, entre le 9e et le 7e siècle avant notre ère, donc il y a très longtemps, la Syrie est devenue le premier véritable empire qu'a connu l'histoire du monde. Les villes de Nimroud, Khorsabad et Ninive étaient des centres politiques assez forts où les rois assyriens tels que Sargon, Assurbanipal et Sennachérib ont vécu. La trace qui est laissée de cette civilisation-là va se dessiner autant par les structures politiques que par les traditions intellectuelles qui ont façonné plutôt autant l'Orient que l'Occident. Ce qu'on y retrouvait représentait les bâtiments les plus importants et les plus impressionnants qui étaient connus à l'époque de l'ancien Proche-Orient. Plusieurs vont qualifier que cet assaut-là sur ces anciennes capitales assyriennes est la pire catastrophe au niveau du patrimoine culturel mondial de tous les temps. Malgré tout, il y a une petite lueur d'espoir avec un projet de reconstruction possible par la technologie 3D. Quel est ce projet, en fait? En quoi il consiste? Mais c'est le projet Mossoul ou le Mossoul Project. C'est un projet qui a été initié par le réseau de formation pour le patrimoine culturel numérique. En fait, ça, c'est un projet qui existe depuis quelques années, un projet de conservation électronique où on prenait des photos de tout le patrimoine à travers le monde. Mm-hmm. Et le projet va viser à la restauration des objets qui ont été détruits au musée de Mossoul grâce à la technologie 3D. Pour ce faire, on va utiliser plusieurs photographies des objets qui ont été détruits pour les recréer virtuellement, d'une part, mais aussi physiquement. Et le principe de base est la photogrammétrie, qui consiste à effectuer des mesures d'un objet en utilisant l'incidence d'un observateur que l'on obtient avec le point de vue entre deux images acquises d'angles différents. Il va falloir plusieurs photos, par exemple, pour obtenir une captation idéale, voire des milliers là, de ces clichés-là, des objets qui ont été détruits. Mais on peut aussi employer la numérisation d'artefacts analogues, soit des images d'objets qui ressemblent ou même des copies qui existent déjà. C'est sûr qu'on s'en doute, il faut que les photos soient toutes prises d'un angle différent. Ça va vraiment aider. Et ça peut être difficile étant donné, je rappelle, le musée de Mossoul avait été fermé en 2003. Donc, peu de gens avaient pu circuler et photographier les divers vestiges archéologiques présents. On peut quand même voir un premier succès de ce projet-là via le site web du projet Mossoul. On voit la restauration partielle du lion de Mossoul sur la base du premier lot d'images qui avait été envoyé à l'équipe de production du projet. Comment est-ce qu'on peut mettre un terme à ce carnage? Oui, ça, c'est une grande question. Il y a, dans un premier temps, l'UNESCO qui a instauré une convention en 1954 à La Haye. C'est la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Et dans cette convention-là, on y interdit les actes destructeurs comme ceux qui ont été commis par l'État islamique. Donc, on peut pas s'attaquer techniquement au musée. Au patrimoine. Exactement. Dans cet ordre d'idées-là, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré que la destruction de ces sites d'importance culturelle était un crime de guerre. Et c'est un propos qui a été repris par Irina Bokova, qui est la directrice générale de l'UNESCO. Mais malheureusement, ces mots-là, mais ils peuvent pas changer grand-chose. Le mal a déjà été fait. C'est ça. Et au final, ben, tout va dépendre de la restauration de la stabilité politique dans la région qui va permettre de mettre un point final à cette destruction-là. Effectivement, puis il va rester à voir aussi si cette convention et ses paroles pourraient empêcher les extrémistes, quels qu'ils soient, à détruire d'autres biens culturels. Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Alors, on va passer en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle des 15 espèces les plus menacées de disparition avec Mélanie Jean.